Section 3 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 1, deuxième partie, Philippe le Bel, politique et religion, suite par Alfred Coville. Le grand jubilé de 1300. À la dernière année du siècle, les beaux jours semblaient entièrement revenus. Boniface convoqua toute la chrétienté à une fête séculaire, un jubilé inspiré des souvenirs de la Rome païenne. Ce qu'il voulait, c'était étonner le monde par le triomphe de la papauté. Au milieu des luttes et des rivalités qui menaçaient les royaumes chrétiens, c'était amener les princes à remettre leurs querelles au jugement du pontife. S'il plaît à Dieu, nous mettrons tout le monde à paix, et si nous réussissions, nous croirions bien mourir. Malgré ses espérances, aucun souverain ne vint prier sur les tombeaux des apôtres pendant les fêtes. Mais du moins, les fidèles arrivèrent par troupes immenses à partir du 22 février 1300. Ils accouraient de tous les points cardinaux par les antiques voies romaines. C'était comme une émigration des peuples. 2 millions d'hommes visitèrent les églises, les uns 30, les autres 15 jours consécutifs. Il fallut élargir les rues. Pour nourrir les pèlerins, n'était-ce pas la bonté divine qui avait donné à la Campanie des récoltes admirables? L'ordre fut parfait. Rome s'enrichit pour longtemps. Les caisses pontificales se remplirent. Deux clercs étaient sans cesse occupés à ramasser avec des râteaux les offrandes déposées sur le tombeau de Saint-Pierre. Dante et Giotto étaient là, et tous deux devaient perpétuer ce souvenir, l'un par quelques vers de l'enfer, l'autre par une fresque du palais de Latran. Boniface, ébloui, aveuglé, contemplait cette foule où le génie naissant se mêlait à la fois antique et naïve. Il voyait réaliser, sous une apparence mystique, l'alliance de l'univers et de la papauté. Il ne doutait pas que sa main pût commander la bénédiction ou la destruction. N'avait-il pas ajouté à la tiare de Grégoire VII et d'Innocent III une troisième couronne et revêtu les insignes de l'Empire? L'affaire Saïsetti et la bulle à Ausculta. Boniface VIII fut bientôt et rudement réveillé de cette ivresse de gloire. Philippe le Bel n'était pas roi à accepter les conséquences des théories pontificales en ce qui touchait son pouvoir. Dès 1297, il avait affirmé l'indépendance de l'autorité temporelle, déclaré ne tenir sa royauté que de Dieu seul. Il voulait encore libérer l'Église de France de la domination monarchique et envahissante des pontifes. Non certes pour assurer à cette Église une complète indépendance, mais pour mieux régner sur elle, pour étendre partout ses mains, déjà bien longues. Le légiste normand, Pierre Dubois, pour gagner l'oreille du roi, parlait alors de restreindre la justice ecclésiastique, d'opposer des tabellions royaux aux notaires apostoliques, recommandait le mépris de l'anathème, s'attaquait au célibat des prêtres et au pouvoir temporel des papes. Les premières contestations se produisirent en Languedoc. Elles vinrent surtout de Bernard Saïsetti, évêque de Pamiers. Ce prélat, qui aimait à rappeler une parenté éloignée avec les grands comtes de Toulouse, élevé par le pape au siège nouveau de Pamiers sans l'intervention du roi de France, résumait en lui toutes les haines encore récentes dans le Midi contre le souverain du Nord. Il avait l'amour violent de la terre languedocienne. Son imagination inquiète rêvait une grande conspiration locale qui aurait levé une armée dans la noblesse méridionale et offert une sorte de royaume au comte de Foix. Ses propos étaient insolents et injurieux. « Ce n'est pas un homme, disait-on, c'est le diable. S'il avait un colloque avec les anges du ciel, il les pervertirait. » Or, ce fut précisément ce Bernard Saïsetti que Boniface VIII envoya à la cour du roi de France à la fin de 1300 pour réclamer la mise en liberté du comte de Flandre, tenu prisonnier au Louvre, et le départ du roi promis depuis longtemps pour la croisade. L'évêque de Pamiers parla avec colère et en fut aussitôt puni. Ses chimériques intrigues étaient dévoilées. Une ardente procédure fut commencée contre lui. Cité à comparaître devant la cour du roi à Senlis, le 14 octobre 1301, il fut accusé de lèse-majesté, de rébellion, d'hérésie, de blasphème et de simonie. Fière et audacieuse fut sa réponse. Les barons irrités faillirent le massacrer. Jusqu'alors, l'affaire n'avait mis en mouvement que le roi, l'archevêque de Narbonne, métropolitain de Pamiers, et les évêques de la province. Ce fut Philippe le Bel qui y mêla le pape, en lui envoyant Pierre Flotte réclamer le châtiment du coupable, sa déchéance comme clerc et comme évêque. Boniface VIII fit attendre sa réponse, mais elle fut énergique. Le 4 décembre 1301, il accusa le roi d'avoir voulu attenter aux privilèges ecclésiastiques, le priva de toute subvention du clergé, le déclara déchu de toute garantie contre les anathèmes pontificaux, le cita devant lui et convoqua le clergé de France pour un concile de prélats français qui se tiendrait à Rome le 1er novembre 1302. Ce n'était point assez. Le même jour, il envoyait un légat porter en France la bulle Ausculta Fili, qui appliquait aux circonstances présentes les prétentions de la papauté. Dieu, en nous imposant le joug de la servitude apostolique, nous a établis au-dessus des rois et des empereurs pour arracher, détruire, anéantir, disperser, bâtir et planter en son nom. En vertu de ce pouvoir, il invitait le roi à se disculper des accusations de tyrannie, de mauvais gouvernement et de fausse monnaie. On raconte que Philippe le Bel aurait fait brûler la bulle au porche de Notre-Dame en grande cérémonie. Acte inouï, invraisemblable, que Luther seul devait oser plus de 2 siècles après. Le fait manque tout à fait de preuves sérieuses. Du moins, une fausse bulle, intitulée « Deum Timae », brutale et ingénieuse, fut mise en circulation en France pour exciter les esprits contre le pape. Elle avait été rédigée par Pierre Flotte et contenait ce passage. « Sache, était censé dire le pape au roi, que tu nous es soumis dans les choses spirituelles et temporelles. La collation des bénéfices ne t'appartient en aucun cas. Si tu as la garde des bénéfices vacants, tu dois réserver les fruits aux successeurs. Si tu en as conféré, nous déclarons la collation nulle et la révoquons, et nous réputons hérétiques ceux qui croient le contraire. » D'autre part, dans une pièce également fabriquée, le roi était censé avoir répondu au pape « Que ta très grande fatuité sache qu'en matière temporelle, nous ne sommes soumis à personne. Ceux qui pensent autrement, nous les réputons fous et fats. » Le roi ne voulut point s'aventurer davantage sans être bien sûr de ses sujets. C'est pour cette raison que, le 11 avril 1302, il réunit à Notre-Dame de Paris une grande assemblée où l'on s'est plu à voir les premiers états généraux. Il y avait là des membres du clergé, des barons, des procureurs des principales villes du Nord et du Midi. Après un discours de Pierre Flotte, le roi s'adressa directement aux assistants, affirma la doctrine de l'indépendance absolue du pouvoir royal et leur demanda leur appui, comme maître et comme ami. Après avoir délibéré séparément, les nobles répondirent « Bien voulons que vous soyez certains que ne pour vie, ne pour mort, ne départiront de ce procès. » Les procureurs des villes acquiescèrent. C'était tout ce qu'on leur demandait. Le clergé fut embarrassé. Il sollicita d'abord un délai, puis la permission d'aller à Rome au concile. Il écrivit au pape pour être dispensé de ce voyage, exigé d'un côté, interdit de l'autre. Le pape répondit qu'il ne céderait pas. La bulle Unam Sanctam. Boniface VIII voulut alors, dans une réponse rédigée en présence des cardinaux, expliquer en quel sens il entendait la subordination des princes séculiers au Saint-Siège. Reprenant la comparaison des 2 pouvoirs avec le soleil et la lune, comparaison chère au Moyen-Âge, il déclare, cette fois avec précision, que le souverain pontife, à qui appartient le pouvoir spirituel, ne veut en aucune façon usurper le pouvoir temporel, lequel appartient au roi. In nullo volumus usurpare jurisdictionem regis. Que néanmoins, il a le droit de connaître des affaires temporelles sous le rapport du péché, ratione peccati, et que ni le roi ni un fidèle quelconque ne peut nier qu'il ne soit soumis au pape sous le rapport du péché. Nobis subiectus ratione peccati. Ces dernières propositions étaient conformes à la sage distinction d'Innocent III. Mais Philippe le Bel ne voulait rien entendre. Il refusa toute transaction et interdit au prélat français de se rendre au concile de Rome où l'équivoque des états généraux n'aurait pu se renouveler. Le concile s'ouvrit cependant, 30 octobre 1302. Boniface VIII y aurait publié, 18 novembre, la bulle « Unam Sanctam », où il exposait de nouveau, mais avec le même défaut de précision que dans la bulle « Ausculta Fili », la doctrine de l'Église sur ses rapports avec les princes. « Il y a deux glaives, dit-il, en substance, le glaive spirituel et le glaive temporel. Tous les deux appartiennent à l'Église. L'un est tenu par elle, par la main du pape, l'autre est tenu pour elle, par la main des rois, tant que le pape le veut ou le souffre. En outre, l'un des glaives doit être subordonné à l'autre, le glaive temporel au glaive spirituel. Si la puissance temporelle dévie, elle doit être jugée par la puissance spirituelle. En conséquence, nous déclarons et définissons que toute créature humaine est soumise au pontife romain. Soumise ? À quel point de vue ? Spirituel seulement ou temporel également ? La bulle ne le dit pas. Elle laissait par là la porte ouverte à la discussion. Ainsi, tout annonçait un éclat décisif. Ce qui donnait confiance à Boniface VIII, c'était la victoire des Flamands à Courtrai, juillet 1302. Au printemps 1303, la rupture eut lieu. Après avoir repoussé toute médiation, récapitulé ses griefs et exposé ses dernières conditions, le 13 avril, le pape envoya à son légat en France des lettres qui frappaient Philippe le Bel d'excommunication s'il résistait à une dernière sommation. Le porteur des lettres fut saisi à Troyes, jeté en prison, dépouillé. Le 31 mai, nouvelle bulle détachant les 7 provinces ecclésiastiques du bassin du Rhône et leur dépendance de toute vassalité et de toute fidélité au roi capétien. De l'autre côté, la rupture fut plus brutale encore. Dès le 12 mars, le roi de France avait tenu une réunion de prélats et de barons. Guillaume de Nogaret y débita un véritable acte d'accusation contre Boniface, vrai Barlaam, faux pape, hérétique manifeste, simoniaque horrible, chargé de crimes énormes. Il réclame un concile général pour recevoir l'accusation. Mais pour que le concile soit possible, il faut d'abord enfermer le coupable. Cette déclaration est pleine de promesses. Les 13 et 14 juin, une seconde assemblée fut tenue au Louvre. Guillaume Plaisian a remplacé Nogaret, et avec avantage. Son mémoire commence ainsi. Boniface ne croit pas à l'immortalité de l'âme, ni à la vie éternelle. Il a dit qu'il aimerait mieux être chien que français. Il s'est fait élever des statues dans les églises pour se faire adorer. Il a un démon familier qui le conseille. Cela ne suffisait pas encore. Le 24 juin, une grande foule, sorte de meeting parisien, était réunie dans les jardins du palais. L'accusation et l'appel au concile y furent publiés. Enfin, Philippe le Bel voulut faire adhérer tout le royaume. Des commissaires furent envoyés dans les sénéchaussées du Midi. Ailleurs, prévôts, baillis ou maires s'adressèrent aux villes. Le plus grand effort fut fait sur le clergé. L'abbé de Cluny travaillait son ordre. Les commissaires royaux se présentaient dans les couvents et y parlaient en maître. Il y eut pression énorme. Une seule ville semble avoir adhéré sans réserve. Presque partout on fit, malgré les menaces, quelques restrictions. Le roi demanda des adhésions jusqu'en Espagne, en Navarre, en Portugal, en Italie. À Nagny, devant tant de violence, Boniface VIII paraît avoir recouvré quelque sérénité. Deux bulles nouvelles sont empreintes d'une véritable grandeur. Mais à ce moment, un danger inouï menaçait le pontife. Nogaret avait dit qu'il n'y avait aucun moyen de rendre le concile possible, d'exécuter l'appel. C'était de mettre la main sur Boniface. Ce qu'il avait compris et dit, il osa le tenter, et le roi le seconda. Il s'associe 3 personnages assez obscurs. Son maître lui a donné pouvoir de traiter en son nom avec toute personne noble, ecclésiastique et mondaine pour tout ce qu'il jugera à propos. Installé aux environs de Florence, cette étrange mission fit toute une campagne d'intrigue. Des agents secrets partirent de tous côtés pour recruter, moyennant argent, tous les ennemis possibles du pape. Parmi les premiers engagés était un des Colonna, Jacopo, dit le Sciarra, qui réunit aussitôt 800 hommes sous la bannière des Fleurs de Lys. Chaque jour, le complot grandissait. Boniface avait, par ses fautes, miné en quelque sorte le sol autour de lui. Presque toute la féodalité romaine accéda à la Ligue. Nogaret calma les scrupules par les lettres et de l'argent, déclara travailler pour la religion et l'Église, déploya à la fois l'étendard royal et le gonfanon de Saint-Pierre. Le pape ignorait tout. De Rome, il vint dans la montagne, à Anagni, au milieu de l'été 1303. Là s'élevait un palais pontifical, les maisons des Gaetani, une grande cathédrale. De là, deux papes, Alexandre III et Grégoire IX, avaient excommunié 2 empereurs, Frédéric Barberousse et Frédéric II. De là, leur digne successeur comptait, le 8 septembre, fulminer l'anathème contre le roi de France. Or, la veille de ce grand jour, Nogaret Sciarra et une partie de leurs hommes arrivèrent devant la ville, trouvèrent les portes ouvertes et entrèrent au cri de « Viva il re di Francia !» Au son de la cloche municipale, les habitants furent appelés à la maison commune. Ils promirent de soutenir les adversaires du pape. Puis les conjurés marchèrent sur le palais pontifical. Sur la route, les maisons des Gaetani furent forcées, des cardinaux appréhendés. Boniface était surpris. Il demanda quelques heures de réflexion. On le sommait d'abdiquer. Il jura qu'il mourrait pape. Vers le soir, les portes de l'église furent brûlées et forcées. Le palais envahi. Boniface pleurait des larmes, non de faiblesse, mais de douleur. Il revêtit la chasuble de Saint-Pierre, la tiare à 3 couronnes, prit dans ses mains les clés et la croix, et assis sur la chaire pontificale, attendit. Sciarra parut le premier, l'injure aux lèvres. Nogaret le suivait, impassible. Il prétendait amener le pape à abdiquer ou à convoquer le concile, et instrumenta en légiste, expliquant la procédure commencée, développant les accusations terribles accumulées par lui contre le chef de l'Église. Ses paroles purent être violentes, hautaines, les gestes de Colonna menaçants, mais il n'y eut pas de voix de fait. À tout, Boniface dédaigna de répondre et dit seulement à Sciarra « Ecoti il capo, ecoti il colle ». À Nogaret, il déclara qu'il aimait mieux renoncer à la vie qu'à la tiare. Il n'y avait rien à espérer. Bien plus, le surlendemain, tout changea. Avec une inconstance toute italienne, les habitants d'Anagni, ses alliés de l'avant-veille, devinrent pour Nogaret des ennemis acharnés. Les partisans du pape arrivaient de tous côtés. Après une courte lutte, la bande des conjurés dut s'enfuir, heureuse encore d'échapper. La bannière fleur-de-lysée fut traînée dans la boue. Dante, si violent ailleurs, contre Boniface VIII, a marqué à propos de ces événements sa surprise douloureuse. Je vois dans Anagni entrer les fleurs de lys et dans son vicaire le Christ captif. Je le vois une autre fois livré à la dérision. Je vois renouveler le vinaigre et le fiel, et entre 2 larrons, je le vois périr. Le pape mourut en effet quelques jours plus tard. À Anagni, la foule de ses partisans l'avait entouré, consolé. Il était délivré, mais à demi-mort. Le ressort de l'âme, l'orgueil, était brisé chez lui. Il revint à Rome, l'anarchie était complète, il ne pouvait rien ordonner, il était sombre, anéanti, ne parlant que de malédictions et d'anathèmes, se rongeant les mains, se frappant la tête au mur. Ce magnanime pêcheur mourut le 11 octobre 1303, à 86 ans. Nogaret n'avait pas réussi dans Anagni, mais cette mort lui donnait la victoire. Benoît XI. L'avenir semblait dépendre uniquement du successeur de Boniface VIII. Ce fut Benoît XI, doux, pieux, sans fierté, habitué à la vie monacale. Témoin de la scène d'Anagni, il se fit conciliant, donna la victoire au plus fort pour éviter le scandale. Encore sut-il faire bonne figure dans ses concessions. Il voulut bien négocier avec Philippe le Bel, mais non avec Nogaret. Pardonner au roi, mais non à son mauvais génie. À Philippe, le pape disait qu'il accomplissait la parabole du pasteur qui court après la brebis égarée et la rapporte sur ses épaules. Mais à propos des conjurés d'Anani, il s'écriait, parlant à la chrétienté entière, « Ô crime au-dessus de toute expiation ! Ô malheureux Anani, qui a souffert que de telles choses s'accomplissent dans ton sein ! Que la rosée et la pluie ne tombent jamais sur toi, qu'elles tombent sur les montagnes qui t'environnent, mais toi, qu'elles passent sur ta colline maudite sans la rosée. Église, entonne un chant de deuil, pour aider à une juste vengeance que tes fils viennent de loin, que tes filles se lèvent à tes côtés. » Benoît XI allait exécuter ces poétiques menaces quand il mourut subitement, 7 juillet 1304. On accusa le poison de Nogaret et de Colonna. La papauté en France, Clément V. L'humiliation de Boniface VIII, sa mort, et celle de Benoît XI, mettaient l'Église aux mains de la France. La papauté ne pouvait plus vivre à Rome, même en Italie, où il n'y avait plus de sécurité, où partout c'était anarchie et division. La France seule pouvait offrir au Saint-Siège un asile sûr. Le clergé français s'empara alors de la direction générale des affaires de l'Église. Clément V, Bertrand de Gaulle, était né dans le royaume, en Gascogne. Son frère était cardinal-évêque d'Albano, lui archevêque de Bordeaux. Jusqu'en 1302, il avait été partisan de Boniface VIII. Mais il était souple et avide. Son élection fut très pénible. Pendant 9 mois, il y eut à Pérouse, où étaient réunis les cardinaux, lutte d'influence entre Italiens et Français, Gaetani et Colonna. On finit par transiger. L'archevêque de Bordeaux fut élu et proclamé sous le nom de Clément V, le 5 juin 1305. Le nouveau pape était en Poitou. Jean Villani de Florence raconte une sorte de pacte mystérieux et diabolique conclu entre le pape et le roi dans une forêt près de Saint-Jean d'Angély, où Philippe le Bel aurait vendu son appui moyennant 6 conditions terribles et secrètes. Légende à laquelle donnèrent lieu sans doute les premières négociations échangées entre le roi et le pontife. C'est à Bordeaux que Clément V fit pour la première fois acte de vicaire du Christ. C'est à Lyon qu'il fut couronné. Lyon semblait alors près de supplanter Rome. Le commencement fut merveilleux. On y vit les rois de France et d'Angleterre, ceux d'Aragon et de Majorque, le duc de Bretagne, Charles de Valois, presque tous les cardinaux. Pendant le défilé, un mur tomba, renversa le pape, dont la tiare roula sur le sol, tua son frère et plusieurs princes. Ce fut un sinistre présage. Déjà à Lyon avaient été tenus de graves conciliabules. On y parla de la suppression des actes de Boniface VIII, d'un procès contre la mémoire de ce pape, de l'établissement de la curie romaine dans le royaume de France. Et tout de suite paraissent des actes pontificaux mettant à néant les bulles qui avaient déterminé la lutte. Clément V se mit à errer d'abbaye en abbaye et d'église en église, les honorant et les ruinant de sa présence. Rien ne lui suffit pour plaire à la belle Brunissande de Périgord, fille du comte de Foix. En 1306, épuisé de plaisir et de travail, il fut malade, faillit mourir et resta 1 an sans force. Mais Philippe le Bel ne tenait point compte de cette faiblesse. Il poursuivait toujours le pape de ses exigences. Il se sentait fort d'engagements inoubliables. Il envoyait ambassade sur ambassade. Ses lettres étaient impérieuses, obscures, pleines d'allusions. Parmi ses exigences royales, ses allusions si mystérieuses, était sans doute la condamnation de la mémoire de Boniface VIII et certainement l'affaire des Templiers. Les Templiers. La ruine de l'ordre du Temple fut préparée et poursuivie par Philippe le Bel et ses légistes ordinaires, au début avec une merveilleuse habileté et, plus tard, avec une incroyable rudesse. Le trait le plus habile fut, pour obtenir le concours du pape et assurer le succès, de rattacher cette ruine à d'illusoires projets de croisade. Du reste, l'idée de transformer, sinon de supprimer les ordres militaires, n'était pas nouvelle. Elle avait déjà apparu au concile de Lyon. Beaucoup de gens sages étaient de cet avis. Ramon Lulle, Pierre Dubois, Nogaret le soutenaient vivement dans leurs écrits. La vraie raison de l'acharnement que le gouvernement de Philippe le Bel mit à poursuivre les Templiers est facile à déterminer. L'ordre était usé. La règle, datant de 1118, était à l'origine brève et dure, dictée, dit-on, par saint Bernard, une règle toute cistercienne. Avec les vœux étroits et monastiques d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Qu'ils aient des armes solides mais simples, ni or ni argent aux étriers et aux éperons, qu'ils aient par-dessus le haubert de maille un manteau d'uniforme blanc pour les chevaliers, noir ou roussâtre pour les sergents et écuyers, traversé d'une grande croix rouge, qu'ils n'aient rien à eux car ils sont pauvres, même si l'ordre est riche. Un templier, du reste, doit éviter toute tentation. Il ne doit pas embrasser les femmes, pas même sa sœur, pas même sa mère. Il doit garder une lumière allumée dans la chambre où il dort, même en voyage, de peur que le prince des ténèbres ne prenne avantage contre lui. Avec ce point de départ mystique, ils avaient grandi, s'étaient développés très vite. Les donations leur vinrent par milliers. Ils eurent 9 à 10 000 manoirs, disséminés dans tout le monde chrétien. La hiérarchie se constitua avec le grand maître, les commandeurs, les procureurs, les chevaliers, les frères sergents, les chapelains, des prêtres, des soldats, des clients appartenant à toutes les classes, des paysans qui se donnaient à eux, ad vitanda futura pericula. Les papes les comblèrent de faveurs spirituelles, de privilèges, d'exemptions et de monopoles. On a prétendu qu'ils étaient devenus pour les rois de l'Europe un véritable danger politique. C'est une exagération. L'ordre était trop disséminé, de la Palestine à l'Irlande, pour être vraiment menaçant. Là n'étaient pas les vices notoires qui devaient servir à les faire condamner. D'abord, ils avaient perdu leur utilité et leur raison d'être. La Terre Sainte qu'ils avaient entrepris de défendre était entièrement perdue depuis la prise de Saint-Jean d'Acre en 1291. Ils n'avaient pas su la garder. On en accusait leurs fréquents revers, leur lutte fratricide avec les hospitaliers, leur attitude toute diplomatique avec les princes musulmans, ce qu'on appelait leur trahison. Et cependant, ils étaient et restaient fiers, insolents, avides. C'est qu'ils étaient riches, et riches à l'excès. L'ordre avait toujours eu des tendances pratiques et positives. Les Templiers furent, dès l'origine, en même temps que des soldats, d'excellents administrateurs, plus occupés dans leur commanderie d'Occident d'économie domaniale que de raffinement théologique. Ils possédaient plus de cartulaires et de livres de comptes que de traités sur le dogme. La richesse appelle la confiance. Leurs caisses devinrent les dépôts préférés des capitalistes. Ils tinrent des comptes courants, ouvrirent des crédits, firent une concurrence chrétienne aux Juifs et pieuse aux Lombards. Les papes les chargeaient des finances des croisades. Ils étaient les banquiers des princes et des rois à leurs maisons de Londres et de Paris. Les Capétiens avaient chez eux leurs trésors. Or, les grandes puissances financières deviennent rapidement impopulaires, odieuses. On les disait sans pitié et sans scrupule, refusant l'aumône et l'hospitalité, soutenant leurs intérêts à tort comme à droit. Ce qui facilitait les accusations, les légendes, c'est que leurs statuts et leur vie étaient entourés du plus grand secret. La règle, si belle, si pure, restait mystérieuse, transmise dans un petit nombre d'exemplaires réservés aux dignitaires. Nous avons des articles, dit un templier, que Dieu, le diable et nous autres frères sommes seuls à connaître. Alors, les imaginations travaillaient comme elles le font au Moyen-Âge, d'autant plus aisément que ces templiers si riches n'avaient pas toujours une vie édifiante. On disait « boire comme un templier ». Beaucoup avaient des vices de moines ou s'amusaient à des gabes, brimades brutales ou obscènes. Épreuve blasphématoire sur la croix ou l'épée. Quelques-uns faisaient les esprits forts, parlaient cyniquement des choses saintes. Le mystère et l'imagination aidant, il se fit des récits affreux, d'orgies, de cérémonies païennes, de sabbats indicibles. Tout le torrent des injures et des inventions ecclésiastiques familières au Moyen-Âge se déversa contre eux. La foule écouta et accepta tout. Ainsi les Templiers devinrent des hérétiques, des infâmes, et c'est comme tels qu'ils furent poursuivis et condamnés. Leur vrai crime était leur inutilité et leur richesse. Le procès de l'ordre. Telles furent les conditions morales dans lesquelles leur affaire commença. On a dit que depuis longtemps déjà, Philippe le Bel préparait ses accusations, qui leur en voulait de ne pas avoir été unanime contre Boniface VIII, de lui avoir donné asile en 1306 à Paris, pendant une émeute populaire. Tout cela est difficile à admettre. Ce qui est plus certain et plus grave, en tout cas, c'est qu'en 1306, le roi était alors largement le débiteur du temple. Il avait besoin d'argent. Il était excité par ses légistes, par Nogaret surtout. On vit bientôt un templier protester contre la formule de réception. Un autre, captif, confessait les graves désordres dont il avait été témoin. Mille bruits sinistres circulèrent avec rapidité. Le roi exigea une entrevue du pape. Clément V prévoyait ce qui allait se passer. « Ses lettres font pitié. Il est malade. Il faut qu'il prenne médecine. » Par faiblesse, il se décide à venir à Poitiers. Pape et roi sont au rendez-vous à la Pentecôte de 1307. Ce fut magnifique. Jacques Molay, grand prêtre des Templiers, était là, avec 60 chevaliers. Le roi exposa ses griefs, Clément V en fut ému, mais sans céder. Philippe le Bel était irrité. Il agita l'épouvantail du procès contre la mémoire de Boniface VIII et décida d'agir quand même. C'est alors que Nogaret fut chargé de la garde des Sceaux et de la Chancellerie. On connaissait son audace. Tout récemment, en juillet 1306, il s'était comme fait la main sur le dos des Juifs, dont il avait organisé l'arrestation et la spoliation générale. Le sort du temple était remis en des mains inexorables. Le 23 septembre 1307, à Maubuisson, les plus graves dispositions furent prises. Le 13 octobre, des lettres étaient envoyées par tout le royaume, ordonnant aux officiers du roi de se saisir des chevaliers, aux dominicains de les interroger dans les formes inquisitoriales. À Paris, 140 templiers furent pris, amenés à Corbeil et mis au secret. Dans une grande assemblée de l'Université de Paris et du chapitre de Notre-Dame de Paris, Nogaret rendit compte de l'affaire, parla de sa douleur immense, déclara que Jésus-Christ avait été supplicié une seconde fois. Une grande réunion populaire fut encore tenue dans le jardin du palais. D'autre part, Philippe avait écrit au prince de l'Europe. Le roi d'Angleterre ordonna une enquête. Le roi des Romains attendit les ordres du pape. Le duc de Brabant, le roi de Sicile, le comte de Provence, acquiescèrent et mirent la main sur les biens du temple. Voilà le procès commencé. Il fut d'abord mené en toute raideur par les officiers du roi et les inquisiteurs. Les ordres royaux étaient précis et tranchants. Ils furent exécutés d'eux-mêmes. Les baillis et sénéchaux mirent sous séquestre les biens du temple et commencèrent la procédure contre les membres de l'ordre. Les inquisiteurs venaient ensuite, après un premier interrogatoire, pour définir la vérité par la torture s'il était besoin. Les prisonniers étaient sommés trois fois de révéler leurs crimes. À Paris, les séances du tribunal d'inquisition se tiennent au temple même, dans une salle basse, devant des moines blancs, deux conseillers du roi, des greffiers, des bourreaux et beaucoup de spectateurs. Les tortures furent atroces. Presque tous les accusés avouèrent ce qu'on voulut pour en sortir. Sur 138 frères, qui passèrent à Paris par le fer et par le feu, il n'y eut que deux ou trois cœurs inébranlables. Les dignitaires, le grand maître lui-même, avouèrent. Ce n'était que le premier acte du drame. Au second, le pape voulut intervenir. Il osa blâmer et suspendre les inquisiteurs, évoquer toute l'affaire devant lui. À cette hardiesse du pontife, le roi riposta par un nouveau moyen, les États généraux. La réunion eut lieu à Tours le 4 mai 1308. L'appel avait été général. Il y a aux archives nationales 270 procurations de ville et la collection n'est pas complète. Le tiers tout entier fut pour la disparition des Templiers. C'étaient de vieilles rancunes, des jalousies, des convoitises qui reparaissaient à la surface. De Tours, le roi se rendit à Poitiers pour revoir encore une fois le pape et juger de l'effet produit. Cette fois, il y eut accord définitif. On se partagea la procédure. Le roi retint ses prisonniers au nom du pape. Deux procès furent conduits parallèlement. L'un s'adressait à l'ordre tout entier et n'était qu'une instruction générale destinée à préparer la décision du concile général. L'autre continuait les poursuites individuelles sous l'inculpation d'hérésie, déjà si brillamment commencée par l'initiative royale. L'instruction générale au sujet de l'ordre était confiée à une commission ecclésiastique qui siégea à Paris à partir du 21 novembre 1309. Elle fut relativement modérée. Nous avons les procès-verbaux des audiences. Le grand maître Jacques Mollet comparut un des premiers. Nogaret, Plaisian assistent, ce qui est irrégulier. Ils intimident et accablent les témoins et les accusés. Nogaret cite au grand maître les chroniques de Saint-Denis. Mollet, miles illiteratus et pauper, est stupéfait. Il se défend honnêtement. C'est un homme simple et faible. Il fut troublé par de sinistres révélations qui lui furent lues et n'osa plus dire qu'il défendait l'ordre. Si le grand maître se dérobait, l'ordre était comme livré à ses ennemis. Après les dignitaires, on entendit les chevaliers qui voulaient défendre le temple. Ils étaient 546. Ils durent déléguer 4 procureurs qui parleraient pour tous. Les procureurs réunirent les dépositions favorables de tous les chevaliers de Paris, toutes leurs naïves requêtes. Ils en firent une protestation générale, pleine d'éloquence et de logique. L'impression laissée par tous ces documents, dépositions et requêtes, est horrible et poignante. Toutes ces atrocités regagnaient aux Templiers la sympathie générale. On plaignait leurs souffrances. Hors du royaume, on les acquittait. Il fallait contrebalancer les symptômes favorables. Le procès contre les personnes y servit. Pour l'activer, un concile provincial fut brusquement réuni sous la présidence de l'archevêque de Sens. C'était la perte des membres avant la condamnation de l'ordre. Le synode pouvait frapper sans entendre et faire exécuter aussitôt ses sentences. Ainsi fut fait. Après une courte enquête, il condamna au feu 54 chevaliers. Amenés devant le concile le dimanche, ils furent brûlés le mardi à la porte Saint-Antoine. Ils moururent bien. Au reste, le concile de Vienne allait se réunir pour prononcer la sentence générale et définitive. Il fut prorogé jusqu'au mois d'octobre 1311. Au fond, qu'avait-on trouvé à la veille de cette grande réunion? On avait accusé l'ordre d'idolâtrie, de règles secrètes et infâmes, d'hérésie. Or, on n'avait découvert chez les Templiers ni idoles, ni règles nouvelles, ni livres hétérodoxes, pas le moindre témoin muet. Il n'y avait contre eux que des aveux faits dans les tortures, aveux discordants, inventés au hasard des souffrances, presque toujours reniés par la suite. On ne tenait ni des hérétiques, ni de grands coupables, seulement d'humbles et humaines victimes. Mais dans ces graves circonstances, pour agir sur le pape à volonté et le mater en cas de besoin, Philippe le Bel avait un moyen. C'était une immense et terrible machine qui devait jeter le scandale et la boue sur la papauté si elle ne cédait pas. Le procès de Boniface VIII. Le procès de Boniface VIII. Clément V s'établissait alors à Avignon. Errant à travers la France, il souffrait de l'inévitable et incessante domination du roi. Il ne pouvait retourner à Rome. Il songea au comtat venessin qui appartenait au pape en toute souveraineté depuis 1274. Il s'y fixa et le fit savoir à toute la chrétienté par une déclaration officielle. C'est là que se prépara l'odieux procès, tandis que la cour pontificale s'installait et commençait cette belle vie épicurienne des papes français du XIVe siècle. De ce procès, il était question depuis 1305. À la fin du printemps 1308, Philippe le Bel commence à devenir pressant. Il demandait, au cas où l'hérésie du vieux pontife serait prouvée, que ses os fussent déterrés et brûlés publiquement. Il présentait 43 chefs d'accusation. Nogaret lui-même était venu à Avignon, plein d'âpreté et d'importance. Poursuivi, relancé chaque jour, Clément V se décida enfin a ordonné la comparution devant lui de ceux qui accusaient la mémoire de Boniface VIII. Voilà Nogaret et ses compagnons devenus accusateurs. Le roi eut alors à Avignon jusqu'à 3 ambassades simultanées ayant chacune des objets divers. Ce sont des négociations tortueuses et trompeuses où Nogaret excelle. Le pape tenta tout pour y échapper, mais vainement. Les parties comparurent dans la salle basse du couvent des frères prêcheurs le 13 mars 1310. Clément V demanda des mémoires écrits. Le vendredi 2 mai, les accusateurs remirent 3 rouleaux. On y trouvait des actes anciens, des réponses, des actes récents, le tout très subtil et très pédant. L'affaire fut renvoyée quelque temps à cause des grandes chaleurs. L'enquête testimoniale se poursuivait également de tous côtés. Des commissaires furent nommés pour aller jusqu'en Italie entendre des témoins âgés, malades ou mourants. Les dépositions furent accablantes. On chargea Boniface VIII de toutes les turpitudes, de toutes les monstruosités. Ce sont des histoires de Sodome et Gomorre, des invocations à Belzébuth. Les contradictions, l'excès des crimes, prouvent que les témoignages ont été suggérés. On retrouve ici toutes les inventions qui ont déjà servi contre Frédéric II, contre les Templiers. Au fond, une partie du résultat cherché était atteint. Grand était le scandale pour la papauté. Le pape finit par le comprendre. Après avoir voulu tout prolonger, il est impatient d'en sortir, et il est prêt à toutes les concessions. Alors Charles de Valois servit d'intermédiaire. Un accord survint, les Templiers devinrent la rançon de la mémoire de Boniface VIII. Ils furent définitivement sacrifiés. Quant au procès du pape, il fut reconnu que le roi de France avait agi selon sa conscience, que les accusateurs avaient cédé à leur zèle pour la foi, mais Boniface VIII n'était pas considéré comme hérétique. La bulle Rex Gloria Virtutum du 27 avril 1311 prononça l'abolition entière et absolue du passé. Nogaret, Ciara, les plus compromis, semblaient exceptés. Mais après la date venait une sorte de post-scriptum où l'absolution leur était accordée en particulier. Comme pénitence, Nogaret devra aller en Terre Sainte au prochain passage pour y demeurer toujours. En attendant, 8 pèlerinages lui étaient prescrits. La papauté était bien abaissée. L'attentat d'Anagni était pardonné. Cependant, il y eut encore une réserve, acceptée par le roi de France, auquel l'idée ne déplaisait pas. Toutes ces graves affaires devaient être terminées au concile général qui était convoqué à Vienne. Le concile de Vienne. Le concile se réunit le 13 octobre 1311. Il dura jusqu'au 6 mai 1312. On y parla de la réforme de l'Église, des hérésies, de la croisade. Après vint le procès de Boniface VIII. Les actes de l'Assemblée ne nous sont pas parvenus. Boniface VIII fut déclaré légitime, nullement hérétique. Mais le pape renouvela toutes les abolitions et absolutions. C'était une affaire finie. Restait encore le procès des Templiers. 7 chevaliers se présentèrent pour défendre l'ordre. Le pape les fit arrêter et bien enfermer. Au printemps, le roi était arrivé à Vienne avec ses fils et des gens armés. Il appelait à Lyon les états généraux pour intimider le concile à l'aide du royaume. Les évêques, dont beaucoup en Allemagne, en Aragon, en Italie, avaient acquitté les Templiers dans leur circonscription synodale, étaient récalcitrants, voulaient entendre les dépositions de l'ordre avant de le condamner. Le pape, redoutant le roi et le concile, agit seul. Il prononça la suppression de l'ordre par voie de provision et publia sa sentence dans le concile devant le roi par la bulle Vox in excelso. Il restait des biens à partager, des prisonniers à élargir ou à frapper. Les biens furent donnés aux hospitaliers, mais dans des conditions telles que cet héritage magnifique ne les enrichit pas. Philippe le Bel éteignit ses dettes, s'empara du numéraire, convertit la caisse du temple en caisse royale avec tout ce qu'elle contenait, réclama même des créances imaginaires. Jusqu'à sa mort, il garda les domaines sous sa main. Quant aux prisonniers, ceux qui s'humilièrent recouvrèrent la liberté. Les impénitents et les relapses étaient en dehors de tout pardon. Parmi eux se trouvait le grand maître. Le 16 mars 1314, au parvis Notre-Dame, après 7 ans de prison, il s'entendit condamné au mur à perpétuité. Mieux valait la mort. Avec le maître de Normandie, il protesta, tout son courage lui était revenu. Le soir, au coucher du soleil, ils eurent la tête tranchée à l'extrémité de la cité. Ils moururent dans la gloire du crépuscule printanier avec un courage invincible. Fin de la section 3.